On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Gros combat de Marie-Ève Dicamp, c'est sa deuxième défense. C'est une défense optionnelle. Ouais. Oui, optionnel, parce que son adversaire est classé deuxième, Maria Lindbergh. Mais on sait que Marie-Ève Dicamp, bon, elle avait détrôné la championne et finalement avait défendu son titre contre Lauren, qui était classée première. Là, maintenant, elle se donne pas ça facile. Elle est avec la deuxième. Donc, elle a une bonne adversaire devant elle, qui s'est déjà battue 3 fois en combat de championnat du monde, qui a donné une bonne opposition à la grande championne Christina Hammer. Et surtout, de l'an passé, contre Eva Pitkowska, elle avait perdu une décision majoritaire en Pologne contre la championne du monde. Donc, elle a passé très près, elle, de devenir championne du monde. On aurait eu droit à un titre unifié, là. Donc, c'est une bonne adversaire. De ses 17 victoires, elle en a 9 par nocaut. Elle a une bonne claque. Je l'ai vu à l'entraînement média. Elle est bien préparée. Elle est en bonne forme physique. Elle fait le poids facilement. 150 livres, 0.2 sur la balance aujourd'hui. Et c'est une boxeuse OK. de ses 4 défaites. Elle n'a jamais été arrêtée avant la limite. Donc, on s'attend à un combat physique. Si Duker accepte de jouer cette guerre-là avec elle, mais moi, j'ai l'impression que Maria Duker va être plus intelligente que ça. Va se servir de son jeu de pied, va s'arranger pour la contourner, travailler en angle, elle qui est une boxeuse gauchère. Donc, à ce moment-là, mais c'est certain que Maria Duker nous a impressionnés contre Nemus, nous a impressionnés contre Ren. On s'attend encore à une progression de sa part. Et éventuellement, ben, avec une belle victoire, peut-être qu'on peut parler Okay. d'unification. Elle qui parle même de descendre à 147 Est-ce livres, qu'à est convaincue 147 d'être capable livres, de faire ses ce poids-là. aspirants, est-ce que ce serait quand même intéressant pour elle? Est-ce que les adversaires à 147 livres sont plus dangereux et ainsi de suite? Bon, là, c'est la grande championne, Cecilia Brakas, qui est, elle, invaincue, qui est une grande, grande vedette chez elle en Norvège. Et ça serait vraiment exceptionnel. Là, on parlerait d'un combat majeur là, qui serait suivi au niveau internationalement, mondial, là, sans aucun doute. C'est sûr qu'elle, en partant du principe qu'elle est championne de 154, descend à 147, elle OK. deviendrait une Donc, adversaire c'est vraiment un gros combat intéressante pour qu'on Brakhouse. parle, évidemment. Maria Lindbergh, est-ce que c'est une menace réelle pour Marie-Ève Duquin? OK. Mais comme je l'ai dit, elle vient de perdre une décision majoritaire dans un combat de championnat du monde en Pologne. On s'entend que ce combat-là avait lieu ailleurs, elle serait probablement championne du monde. Donc, c'est une femme qui est en fin de carrière, mais très, très en forme, là. Comme je te dis, j'ai eu l'occasion de la voir à l'entraînement média, très en Ben forme, oui. bien préparée. Elle sait que c'est probablement sa dernière chance d'être championne du monde. Et elle est convaincue, elle-là, qu'elle va faire du trouble solide à Dicker. Puis elle qui a déjà été. Qui a déjà vaincu une boxeuse dans un combat de championnat de titre mineur un peu plus tôt dans sa carrière, soit Sarah Davis. Et quand elle était sur l'équipe nationale de Suède en 1998-99, elle avait battu 2 fois la championne canadienne Vicki Anderson à Toronto et à Sudbury. Donc, elle s'est avancée. Elle a dit 3-0 moi, contre les Canadiennes. Fait que je regardais ça. Je OK. remontais ça d'une coche Donc, encore pour aller à ça moi va être porter intéressant. pour m'en Est-ce que aller à le fait que 4-0. Marie-Ève Duquet commence à être très. Moi, je trouve que vous avez une perle comme pour vendre. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, là. Je te parle de potentiel, là. Je te parle pas qu'actuellement. Elle est belle, elle s'exprime bien. Tu sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu ça au Québec, là. Charismatique, avant bien la boxe féminine aussi. Ben, charismatique, elle vend bien la boxe Ouais. féminine. Toujours de bonne humeur, un beau sourire, comme tu l'as dit, c'est une belle fille. Et en forme physique. Donc, bien articulée, bilingue. Est-ce que ça commence à paraître Effectivement, pour côté les marketing, billets, on la peut pas vente de demander plus. billets, la vente de pay-per-views, tout ce que je viens de dire là? Ah ben oui, c'est sûr que pour les OK. billets au Casino de Montréal, il n'y a pas de problème avec ça, là. C'est plein, c'est toujours plein au bouchon. Là, il reste que c'est de savoir maintenant si les gens vont le suivre et ils vont embarquer avec la télé OK. payante. Et ça, Dis-moi, on va en maintenant, avoir une Michael bonne idée Zawiski, lui, avec demain Oscar De La soir. Hoya, il a commencé sa carrière avec Oscar De La Hoya. Par la suite, il s'est comme cherché un peu. Est-ce que c'est encore un espoir de. Est-ce que c'est encore un espoir de top 10 ou encore dans sa catégorie? Très bon test. Là. C'est un championnat IBF nord-américain et un ABO. Lui, il est classé 15e WBC. Donc, ça serait une ouverture pour lui dans ces deux associations-là. Il a une fiche ronflante de 32 victoires, 22 par knock-out, une seule défaite. Et il est actuellement champion de WBC international. C'est sûr qu'il y a un adversaire. Il y a 6 victoires en ligne, mais là, il y a un bon adversaire. Là. Abner Jagger Lopez, là, qui vient du Mexique. Il y a 27 victoires, 23 par knock-out. Le gars, une claque. Et 9 défaites, mais il a été arrêté seulement 3 fois. Il s'est battu sur le réseau ESPN. À son dernier combat, il a fait en avril, il a fait un combat nul avec Pedro Campa, qui avait une fiche de 30 victoires, une seule défaite. Et en 2015, il avait cassé un prospect qui avait 15-0, Shak Nazarian, le russe. Donc, puis encore là, pour l'avoir vu l'entraînement média, c'est un gars qui est en forme, c'est un gars qui croit à son potentiel, c'est un gars qui croit qu'il est capable de causer une surprise contre Zuski. Donc, okay, je m'attends à un combat plus rude entre ces deux-là qui sont deux jeunes vétérans. Ouais, Lafrenière, qui, bien entendu, qui vient de se battre d'ailleurs à Saint-Jean il y a quelques semaines. Et lui, qui veut retrouver sa place là, dans les meilleurs au monde, là, s'approcher des classements payants. On sait qu'il y a eu 2 défaites par décision majoritaire en 2018 qui ont fait très, très mal dans son cas. Là, il est maintenant rendu avec Stéphane Larouche et il va affronter lui aussi un Mexicain qui a une fiche de 16 victoires, dont 9 par knock-out, 4 défaites, un combat nul. Aussi, Luis Zuniga qui a démontré à la pesée qu'il était venu ici pour donner une bonne opposition. Il était même un petit peu arrogant. Ouais, on a Wilfred Freeboy CI, là, notre Camerounais, là, qui est maintenant rendu au Québec, qui a 5 victoires en 5. Et on va avoir Yann Pellerin aussi de Grimby, Marie-Pierre Roule de Trois-Rivières. Donc, ça devrait être une carte intéressante. En tout cas, on s'ennuiera pas, là. Il va avoir sûrement des flamèches à quelque part. Dans ce Camerounais, c'est Herman Ngoudjo qui vient du Cameroun. Là-dedans. Est-ce que lui, est-ce qu'on peut le qualifier de boxeur d'avenir? Ouais. Écoute, Seyi, là, il a été plusieurs fois champion d'Afrique. Il a gagné une médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth l'an passé, en 2018, en Australie. Et quand il a participé aux Jeux olympiques pour le Cameroun en 2016, okay, ils lui ont donné le drapeau. Porteur du drapeau de Cameroun. Ça vous donne une idée un petit peu du potentiel de ce gars-là. Son père était boxeur. Et lui, là, il roule à plein régime, là. Effectivement, s'il peut juste s'approcher... Et je pense qu'il y a le potentiel pour le faire de Herman la Panthère Noire Ngoudjo, qui nous a donné tellement de belles années de boxe. On a tellement de bons souvenirs avec lui que ça serait un gros plus pour la boxe québécoise. Non, Herman, okay. C'est un petit bout de temps que j'ai pas parlé. J'ai parlé l'année passée. Et puis, il est impliqué, il donne des coups, mais j'ai pas plus d'informations. Ouais. On l'a perdu de vue sincèrement, mais en tout cas. Bonne nouvelle. Là. Souvent, les boxeurs, on aime bien que ça soit comme ça. Collaborateur de boxe, Bernard Barrault.